Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. C'est Accordéon Parade que vous écoutez, avec Michel et ses amis accordéonistes. Et ce dimanche matin, eh bien, on est bien réveillé, puisqu'on a un réveil alpestre. Et c'est Manu Mauguin qui nous l'interprète avec son accordéon, bien sûr. Allez, vas-y Manu! Comme un camion, des semelles jusqu'aux ailerons. Elle a tout ce qu'il faut là où faudrait pas. Elle est généreusement carrossée. Mercedes, c'est une sacrée cylindrée. Mercedes. 300 chevaux surgonflés. Mercedes. De pression, compression. Mercedes. N'a pas que de l'air dans les poumons. Mercedes. crémière du quartier qui vend du beurre et du lait. Elle a de beaux pare-chocs bien avancés. Elle est toujours prête à vous transporter. Mercedes, Mercedes, c'est une sacrée cylindrée. Mercedes, Mercedes, 300 chevaux sous gonflés. Mercedes, Mercedes, et gourmand de carburant. Mercedes est une femme qui tient la route par tous les temps, qui tient la route et tout le restant. C'est Mercedes. Et oui, merci de notre Mercedes, hein. Elle est belle. Et oui, elle est belle, sa Mercedes. Mais, moi, j'ai une autre Mercedes qui est aussi sympathique. C'est Andrea. Et c'est Tony Meller à l'accordéon. Après cette merveilleuse valse interprétée par son compositeur Tony Meller, eh bien, on écoute bien sûr Accordéon Parade. C'est l'émission que vous propose Michel tous les dimanches de 9h à 10h. C'est le bonjour de l'accordéon. C'est le plateau d'accordéonistes. Et cette émission, elle est pour les mordus du dépliant. 100% musette sur la bande FM. Oh, que ça fait des jaloux! C'est Loulou Legrand qui va nous interpréter une valse de Monsieur Maurice Denoux. Indécision, Monsieur Loulou Legrand. Indécision, Monsieur Loulou Legrand. Merci à monsieur Loulou Legrand pour cette merveilleuse valse. Et maintenant, on va écouter un accordéoniste oublié. Oui, oublié, on ne l'entend pas. On l'a entendu très peu. Il a eu son heure de gloire pendant les années 50, je pense. C'est notre ami André Beauvoir, un sympathique accordéoniste et qui joue admirablement bien. Et au cours de ce dimanche, je vais vous présenter quelques accordéonistes oubliés qui jouent comme il faut et qu'on oublie de passer à l'antenne. Alors André Beauvoir va nous interpréter Il Torrente. André Beauvoir. Merci à André Beauvoir de nous avoir interprété cette polka. C'était El Torrente, d'après le titre. Et André Beauvoir est un accordéoniste qui a joué dans les années 50, je vous le rappelle. Et s'il y a des accordéonistes qui le connaissent, qui ont un peu des renseignements sur lui, qui téléphone au 04 50 56 01 48, j'aimerais bien en avoir. Parce qu'on parle souvent d'André Beauvoir. Bon, maintenant, il y a une période, on parlait d'André Beauvoir et pas plus. Et bien maintenant, on va continuer avec Olga et Robbie qui vont nous interpréter un merveilleux tango, la comparsita. We'll be right back. n'a pas dansé au son de cette valse indifférente avec l'orchestre d'André Verturen? Et l'ambiance du bal musette, c'est tous les dimanches matins sur votre radio sympathique sur GFM. Avec Michel et ses amis accordéonistes. Qui vous propose, qui vous présente Accordéon Parade. C'est le bonjour de l'accordéon. C'est le plateau de fromage. Le plateau d'accordéoniste. Et c'est une émission pour les mordus du dépliant. C'est 100% musette sur la bande FM. L'accordéoniste, les accordéonistes oubliés. Et bien maintenant, nous allons entendre un accordéoniste qui, dans les années 48 jusqu'aux années 50-55, était presque tous les jours sur Radio Andorre, qu'on prenait difficilement ici, dans la région, avec nos anciens postes. J'étais bien pignouf et je m'en rappelle encore. Eh bien, il y avait un sympathique accordéoniste, c'était Maurice Saint-Paul. Maurice Saint-Paul qui nous vient de la région de Toulouse. Et il va nous interpréter un morceau qu'il a composé. En Mira Terra, c'est-à-dire en terre, je pense. Alors, on va écouter Maurice Saint-Paul, qu'il y a bien, bien longtemps que nous n'avons pas entendu. Même vous, auditrice, auditeur de ce GFM, car je parie que vous ne connaissez pas Maurice Saint-Paul. Écoutez cet accordéoniste, c'est sympathique. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Pour flâner dans le port d'Athènes comme font tous les amoureux, puis nous partirons vers les îles ouvrant nos voiles, loin de la ville, avant de faire escale. Nous y serons l'année prochaine si tu veux. La vie méditerranéenne nous manque un peu. Le soleil sur les oliviers et le parfum des orangers, et puis aussi la danse du sirtaki. Hey! Viens, je t'emmène, nous avons rendez-vous avec les îles et l'amour fou. Nous danserons le sirtaki toutes les nuits avec tous nos amis. Viens, je t'emmène, nous avons rendez-vous avec les îles et l'amour fou. Nous danserons le sirtaki jusqu'à minuit devant la mer qui dansera aussi. Nous vivons dans un an à peine, c'est bien peu. Ces nuits méditerranéennes, ces jours heureux, le soleil sur les oliviers et le parfum des oranges, et puis aussi la danse des sirtaki. Ouais! Viens, je t'emmène, nous avons rendez-vous avec les îles et l'amour fou. Toutes les nuits avec tous nos amis. Viens, je t'emmène, nous avons rendez-vous avec les îles et l'amour fou. Nous danserons le sirtaki jusqu'à minuit devant la mer qui dansera aussi. Thank you. Nous étions à Napoli avec Monsieur Marceau qui vient de nous amener à Napoli. Et puis, je vais vous donner l'heure, c'est pas dans mes habitudes, mais ce dimanche matin, on me dit « Michel, c'est pas du direct comme la semaine dernière était là ». Si, si, c'est du direct, il est 9h37 et vous êtes bien sur les 91-91 MHz de Sorgia FM. Et à 9h37, nous allons écouter le Joyeux Léon dans un passo doble. Thank you. le tango. Je suis allé aux fraises, je suis venu de Pontoise, j'ai filé à l'anglaise avec une tonkinoise. Si j'ai roulé ma bosse, je connais l'univers, j'ai même roulé carrosse et j'ai roulé les airs. Et je dis non, non, non, non, non, oui je dis non, non, non, non, non, non, non, non, non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à mon pêche. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Tourcoing. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas des vacances au fond de la bis. Merci à Nicolas Grandfils de nous avoir amenés dans l'univers du tango avec le clair de lune à Maubeuge. Merci à Victor de nous avoir interprété ce merveilleux valse, musette des campagnes. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et toujours en compagnie ce dimanche matin avec Michel dans Accordéon Parade. Ce dimanche matin 7 avril, puisque dans 15 jours, eh bien ça sera Pâques. Musique. Et Accordéon Parade, c'est le plateau d'accordéoniste. Le bonjour de l'accordéon. Et c'est tous les dimanches en direct à partir de 9h. 100% musette sur la bande FM. Émission pour les mordus du dépliant. Toujours en direct sur les 91-91 MHz de Sorgi FM, nous allons accueillir Escamillo. Merci, merci, monsieur Jules l'Ancien, pour ce merveilleux passe-doble. Et maintenant, je vais accueillir le peintre des montagnes. Des montagnes, ce mois qui est peinturellement blanc. Avec 3 kilos de blanc d'Espagne, j'ai payé un tempérament. J'avais pris une grande échelle qui était toute vermoulue. Alors j'ai ramassé une pawawelle et je suis tombé sur le... Oh, ouh la la la la di la la la tout. Je barbouille par-ci, je barbouille par-là. Qui connaît ma boîte à outils en bois de Panama, les îles d'Haïti, à tout Savoie. Glisse, glisse, glisse. menace du musette. Quand il danse la java, grenelle à la villette, on n'en voit pas deux comme ça. Y'a pas d'erreur, c'est le plus chouette. C'est bien l'as du musette, faut le voir, il est un peu là. Merci à Jean Vessade de nous avoir interprété l'as du musette. Et le siffleur qui sifflait, ce n'était pas Michel. Parce que Michel, quand Michel siffle à la radio, ça fait toute une histoire et des grosses histoires. Mais j'en parlerai peut-être ultérieurement. Mais non, c'était le siffleur à monsieur Jean Vessade. Allez, on va continuer avec une petite valse interprétée par notre ami Joumoutet. Thank you. Et bien voilà, accordéon parade, c'est fini. C'était une émission que vous a proposée, que vous a présentée en direct ce dimanche matin, Michel. Je vais sauter, changer de studio pour retrouver les dédicaces de dimanche dernier et de cette semaine. Je pense que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et puis, eh bien, prochainement, à bientôt, sur les 91-91 MHz de Sorge FM pour une autre émission d'Accordéon Parade. Bon dimanche, bonne semaine, et tout ça en triolet. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. C'est Michel qui est avec vous pour une heure de détente, une heure de bonne humeur. Une petite heure de détente. Comment en vont les auditrices, les auditeurs de Sorgia FM ?

semble t'enfuir. Dis-moi juste que tu es ici, sous l'océan enfoui, dans les bras d'une sirène qui te chantera toute la nuit, te chantera toute la nuit. Et toujours sous les 91-91 MHz de Sorge FM. Et maintenant, une dédicace. On m'avait demandé il y a 15 jours, on m'avait demandé, c'est Raymond qui m'avait demandé Ginette Reynaud dans Mon Vieux. Malheureusement, je n'ai pas trouvé cette chanson, Raymond. Alors à la place, je vais vous passer pour le plaisir de votre, pour votre plaisir. Nous allons écouter Ma mère chantait. Et c'est Ginette Reynaud, une Canadienne qui chante merveilleusement bien cette chanson. Alors Raymond, si vous avez des renseignements au sujet de Mon Vieux interprété par Ginette Reynaud, eh bien faites-moi savoir au 0450 56 01 48. Ma mère chantait toujours la la la, une chanson d'amour que je te chante. Ma fille, tu grandiras, et puis tu t'en iras, et un beau jour tu te souviendras à ton tour de cette chanson-là. Il était un matelot qui, pour gagner le cœur des filles, leur promettait des jours plus beaux sous le ciel. Des très vite, elle lui rendait les armes. Mais quand il repartait sur l'eau, leurs larmes allaient grossir les flots. Ma mère chantait toujours la la la, une chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, et puis tu t'en iras, et un beau jour tu te souviendras à ton tour de cette chanson-là. Mais un jour le matelot fut tué d'un coup de couteau. Ensuite j'ai oublié les mots, mais la fin je m'en souviens. Tous les hommes sont des matelots, du moment qu'ils sont amoureux, dans leurs yeux dansent des vagues bleues. Ma mère chantait toujours la la la, une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, et puis tu t'en iras, et un beau jour tu la chanteras à ton tour en souvenir de moi. li facemo che mi senti. Un grand bravo à Robert Alagna qui vient nous interpréter Sicilien. Et puis maintenant, on va faire une autre dédicace. On va écouter Petit Jean-Jean. Et cette dédicace, c'est pour une sympathique auditrice de Saint-Germain-de-Joux. Et oui, c'est de la part c'est Petit Jean-Jean, Jean-Christina. C'est de la part de Katia de Saint-Germain-de-Joux pour son fils Adrien. Alors, pour Adrien tout seul, de la part de Katia, eh bien, nous allons écouter Petit Jean-Jean, Jean-Christina. Petit, j'étais dans la maison de mon père. J'avais 10 ans et j'étais orphelin. Je mène au champ les vaches et tous les soirs je reviens en chantant. Et tous les soirs je ris et puis je chante. Petit Jean-Jean n'est pas si malheureux. Petit Jean-Jean n'est pas si malheureux.

tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné. Aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée, pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie, pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau la vie. Eh bien, ce sympathique jeune homme, c'était Alain de Saint-Germain-de-Joux qui me fait un petit coucou tous les dimanches. Alors Alain, merci de ton coucou encore ce dimanche. Et puis ma foi, ce morceau, c'était pour toi, car je sais que tu adores Jean Ferrat. Et puis, c'est beau la vie, Alain, c'est vrai, dire qu'il y en a qui nous pourrissent la vie. Et c'est ça qui est le plus triste. Bon, allez, on va continuer, on va pas raconter sa vie, non. On va continuer avec un air d'accordéon et c'est pour un anniversaire. On va fêter un bon anniversaire à Rennes qui fêtera ses 93 ans et c'est de la part des anciens des cités qui m'ont demandé un air d'accordéon. Alors on va donner une aubade à Rennes, une aubade d'oiseau et c'est André Marc à l'accordéon. Bon anniversaire à vous Rennes, bonne journée en famille et puis ma foi, c'est de la part des anciens des cités. Alors pour vous toute seule Rennes, avec un bon anniversaire, vive les 93 ans, au bas d'oiseau. We'll be right back.

Eh bien voilà, après une petite marche, une dernière dédicace, c'est un coup de téléphone, non, 06, qui m'a téléphoné de la Méchaille. C'est Joe et ses amis marcheurs qui sont sur le plateau de la Méchaille, qui sont en train de marcher en ce moment, et ils m'ont demandé un Johnny Hallyday. Alors je vais leur passer un Johnny. Allez, tes tendres années, c'est Johnny Hallyday qui chante ça, c'est de la part de Joe et ses amis marcheurs. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, oui, tu dis vrai, et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin, quand il partira, oh, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour lui. Le sais-tu, la lumière, ça n'est pas infini. De ne voir en lui que l'espoir au jour des regrets. Dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Si mon cœur ne peut être pour toi le premier, j'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes temps. Oui, je serai dans ton avenir, au loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Souvent l'heure et la date de ces rendez-vous que je t'avais donné, et tout m'accuse, j'ai tous les torts, à genoux je te supplie de tout oublier. Combien de roses faut-il encore que je t'offre pour que tu m'aimes, que tu pardonnes, et combien de chaque jour, combien de roses pour croire à l'amour? Combien de roses pour croire à l'amour? Je rentrais parfois au petit matin blême, des traces de rouge à lèvres sur les joues, mais je regrette ce soir de fête, pardonne-moi et je t'en supplie à genoux. Combien de roses faut-il encore que je t'offre pour que tu restes, que tu pardonnes? Tout mon argent s'en va en bouquet chaque jour. Combien de roses pour croire à l'amour? Je demande les roses sont... Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. C'est avec Sébastien Consiglio qui nous interprète une merveilleuse valse de sa composition « Qu'on va se quitter ». On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission en direct sur les 91-91 MHz de Sorgia FM. Passez une bonne semaine, bon dimanche et à bientôt, bye bye!